Je te dis ça au mic, et de nos vénères. Ouais gros, de K.O. Mike et de nos vénères. De K.O. Mike. De K.O. Mike et de nos vénères. Total freestyle pour vous c'est l'enfer. De K.O. Mike et de nos vénères. Votre rap de merde on le met sous terre. De K.O. Mike et de nos vénères. Total freestyle pour vous c'est l'enfer. De K.O. Mike et de nos vénères. Votre rap de merde on le met sous terre. De K.O. Mike a rien à faire, totalement névrosé. Depuis que je sais que l'organe du rap est plus que nécrosé. J'ai barqué Mike sans foi ni loi, je suis venu pour freestyler. Des rimes qui tuent un peu d'essence, bonjour le son stylé. Mes rimes cavalent sans s'arrêter, puis s'imagine à Vincennes. Du saut d'obstacle sans tomber, voilà mon rap entre en scène. Sans une noble destrier, j'ai entendu des cons crier. Que le rap et son image étaient totalement criés. Yo de K.O. Mike, oubliez le parkmètre. Je reste dans la musique car à ce qui paraît le rap m'aide. J'écris des textes et plus des thèmes jusqu'à ce que mort s'en suive. Faut être honnête, sans nous le game est comme un corps sans vie. La larme à l'œil, mets toutes les cartes en main. Dans ma manche le joker, je pense à demain. Je pense à demain. De K.O. Mike et de nos vénères. Total freestyle pour vous c'est l'enfer. De K.O. Mike et de nos vénères. Votre rap de merde on le met sous terre. De K.O. Mike et de nos vénères. Total freestyle pour vous c'est l'enfer. De K.O. Mike et de nos vénères. Votre rap de merde on le met sous terre.